Les petites histoires de Telming. Coucou les enfants. Aujourd'hui, on ne fabrique pas d'histoire, mais promis, on recommence dès mardi prochain. Mais que va-t-on écrire ? Une nouvelle aventure de Zélie et sa mamie ? Ou autre chose ? Dites-le-moi sur telming.com/lph. telming.com/lph. Vous pouvez mettre cet épisode en pause pour aller répondre. C'est bon ? Vous êtes revenu ? Ou peut-être que vous le ferez après parce que vous êtes trop impatient d'écouter le programme du mois d'avril ? Alors, c'est parti ! Comme je vous l'ai dit, le mardi, on va continuer à fabriquer une histoire tous ensemble. D'ailleurs, vous pourrez découvrir notre première histoire jeudi prochain. Et grâce à vos votes, elle s'intitule « Zélie contre les monstres de glace ». Le jeudi suivant, vous pourrez écouter une nouvelle aventure de Cécile qui s'intitule « Les histoires du cimetière ». Vous ferez la connaissance d'Oscar qui a l'habitude de raconter à son papy des histoires incroyables mais vraies. Alors, que fait-il dans un cimetière ? Je vous laisse le découvrir. Le jeudi d'après, Zéphira et Jim, nos deux écureuils d'élite, feront leur grand retour. Vous aviez voté pour qu'ils passent par un bout de forêt hantée et qu'une étrange musique les attire dans un piège. Ça a beaucoup inspiré Thomas pour leur écrire une nouvelle aventure qui s'appelle « Le chant du crabuffle ». On terminera le mois d'avril avec une nouvelle version du village de l'abandon, une histoire que j'avais écrite au début du podcast et dans laquelle Elliot décide de se séparer de ses pirates, ce qui va l'embarquer dans une aventure incroyable. Voilà, vous savez tout. Et n'oubliez pas, dites-moi si vous voulez que l'on écrive une nouvelle aventure de Zélie et sa mamie, ou si l'on écrit autre chose. Rendez-vous sur telming.com/lph pour me le dire. Je vous embrasse, et je vous dis à mardi prochain.